Tous les matins, c'est le même cinéma. Changer les couches et puis tout ça. Tous les matins, c'est le même scénario. La mère Françoise qui n'en veut pas.